close my eyes. Non, c'est Dust in the Wind. Merde, comment il s'appelle? Kansas. C'est vieux, ça. Je chantais ça avant, mais non, c'est trop haut pour moi. Close my eyes only for a moment, and the moment's gone. All my dreams pass before my eyes, curiosity, dust in the wind. All we are is dust. In the wind, same old song, just a drop of water in an endless sea. All we do crumbles to the ground, so we refuse to see. Is dust in the wind. Ça carrément un octave en dessous maintenant. Il n'y a pas que le bras qui est cassé. J'ai dû me faire opérer les cordes vocales il y a 3 ans et j'ai perdu ma voix de tête complètement. La voix, elle a plongé vers le bas. Ouais, c'est pas évident, hein, putain. Bon, ça m'empêche pas de chanter, mais ça m'a obligé à changer de répertoire. Il y a plein de trucs que je chantais que j'ai été obligé de laisser tomber. Et par contre, bon, tout ce qui est vachement bas, je reprends plein de trucs de country que je reprenais pas avant. Mais bon, on s'adapte. Hein. Ce serait mon boulot à plein temps, mais je ferais peut-être un peu la gueule. Quoi. Dylan, c'est ce qui lui est arrivé, hein. C'est pour ça qu'il a la voix qu'il a. Il a été opéré 3 fois. Et première fois, ils l'ont loupé. Deuxième fois, ils pensaient récupérer. Et puis, ça n'a pas fait, quoi. Il y a eu une 3e opération. Résultat, maintenant, il y a une espèce de voix, on dirait, on se demande ce que c'est.